إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8. Au dernier, la semaine passée, je me suis trompé dans les numéros. J'avais dit le cours 9, mais c'était le cours 8 finalement. Donc on commence le cours numéro 8 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Puis on est donc dans, bien entendu, l'explication de Cheikh Saleh al-Fawzan de ce livre, le Sharh de Cheikh Saleh al-Fawzan. Le titre du chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est Babun Zikr al-Ya's min rawhillahi wal-amn min makrillahi wal-amn min makrillahi. Naam. Donc, ça veut dire quoi? Le chapitre qui fait la mention, yani, du fait de perdre espoir en la miséricorde d'Allah et d'avoir, de se sentir en sécurité vis-à-vis des ruses d'Allah et de son stratagème. Donc, le fait de perdre espoir en Allah et d'avoir ou de se sentir en sécurité vis-à-vis de ses ruses, hein, de son stratagème. Ça fait partie des grands péchés dans l'islam. Puis on va mentionner des preuves à ce sujet-là, tel que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab les a mentionnés dans son livre Al-Kaba'ir. Le cheikh, il a cité deux versets pour commencer. Le verset 87 dans Sourate Yusuf. Il dit: wa qawlu Allah ta'ala innahu la yay'asu min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Wa qawluhu ta'ala fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Na'am. Donc, qu'est-ce que signifie le verset? Le verset signifie: et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc il ne faut pas perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Et l'autre verset, qui est le verset 99 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'est-ce qui signifie: et nul ne se sent en sécurité du stratagème d'Allah, hein, ou de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté les peuples qui ont perdu, hein, les peuples qui sont dans la perdition. Et ça, on a dit, c'est le verset 99. Donc, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Afa aminu makra Allah. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Et ça, c'est le verset 99 dans Sourate Al-A'raf. C'est un verset qui vient à la suite de des versets 96 à 98. Et les versets en question disent: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, c'est-à-dire ils ont renié, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs, sont-ils en sécurité que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens de la cité sont-ils en sécurité, sont-ils sûrs, ou se sentent-ils en sécurité que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri de la ruse d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, ou de la ruse d'Allah. Donc ça, c'est les deux versets en question. Ou bien plutôt la fin du verset, le verset 99. Ça, c'est dans Surat Al-A'raf. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un hadith dans la Sunnah. Et il dit: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. Donc ça, c'est pas un hadith, c'est une parole de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, pardon, c'est une parole de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, qui est rapporté par Abd al-Razzaq dans Al-Musannaf. Et il dit: wa akhrajahu ibn Abi Hatim an ibn Abbas radiyallahu anhuma marfu'an wa lafdhuhu su'ila mal kaba'ir faqala al-ishraku billah wal amnu min makrillah wal ya'su min rawhillah. Naam. Donc cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud, c'est quoi? C'est que le plus grand des grands péchés, c'est le shirk avec Allah. C'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, al-amnu min makrillah, c'est-à-dire de se sentir en sécurité vis-à-vis de la ruse d'Allah, de son stratagème. Wal-qunutu min rahmatillah, c'est-à-dire de perdre espoir en la miséricorde d'Allah. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Donc c'est ça. De perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Et ça, c'est rapporté par Al-Musannaf de l'imam, dans Al-Musannaf de l'imam Abdul Razzaq As-San'ani. Et il est également rapporté selon Ibn Abi Hatim dans son tafsir. Et il dit que c'est selon Ibn Abbas qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: on a demandé quels sont les kaba'ir, qu'est-ce que les kaba'ir, et il a répondu: c'est al-ishraku billah, c'est-à-dire de faire le shirk avec Allah, c'est-à-dire d'adorer autre avec Allah ou d'autre que Allah. Ensuite il a dit: wal amnu min makrillah, c'est-à-dire de se sentir de se sentir en sécurité par rapport au stratagème d'Allah. وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ, c'est-à-dire de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant ces versets et ces hadiths. Cheikh Al-Fawzan, il dit: بوب الإمام رحمه الله بهذين الأمرين ليلفت الانتباه إلى أنه ما من الكبائر وأن من ينزع وأن من ينزع إلى القنوط تماما كالذي ينزع إلى الأمن من مكره سبحانه وتعالى فكلا الأمرين من الكبائر فإنه ينبغي للمسلم أن يكون معتدلا في ذلك فالمطلوب هو الوسط الوسط وهو خير الأمور. Donc le cheikh il dit que l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a mentionné comme dans ce chapitre, il a fait ce chapitre en mentionnant ces deux choses, le fait de se sentir de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah et de se sentir en sécurité vis-à-vis de la ruse d'Allah. Et il a mentionné ça dans ce chapitre, il a mis ce chapitre dans le but de prendre notre attention du fait que ces choses-là font partie des grands péchés et que ce qu'on peut tiré du désespoir, c'est la même chose que qu'est-ce qui peut être tiré ou qui peut tirer vers le fait de se sentir en sécurité de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux choses sont ou font partie des grands péchés, et donc il faut que le musulman soit modéré entre ces deux extrêmes, hein. Et c'est le juste milieu qui est toujours la meilleure chose à faire ou à suivre dans toute chose. Il dit ensuite: وَقَدْ سَاقَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْآيَاتُ وَالْحَدِيثُ لِيَدُلَّكَ عَلَى مَا بَوَّبَهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِيَدُلَّكَ عَلَى مَا بَوَّبَهُ أَنَّ الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنِ من مكره من أكبر الكبائر. Donc il a mentionné, le cheikh, il a mentionné les versets et le hadith pour indiquer que ce qu'il a mis comme chapitre à propos du fait de désespérer en la miséricorde d'Allah et de se sentir en sécurité de sa ruse et de son stratagème, ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Il dit: فهذا إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله تعالى الذرية وكان قد كبر يعني قد كبر إلا أنه لم يقنط من رحمة الله إلى أن جاءته الملائكة وبشرته بالولد فبشروه بإسماعيل ثم بإسحاق ثم من بعده من بعده يعقوب عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في ذلك: وبشروه بغلام عليم وهذا إسحاق. وفي آية أخرى قال: فبشرناه بغلام حليم وهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. جاءته بشارتان، ولكن لما بشروه قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. فهو لم ييأس من رحمة الله، وهذا هو الشاهد، مع كبر سنه، لأنه قد عاش ووصل إلى هذا العمر، إلا أنه كان يحيى على الرجاء والأمل ولم يقنط من رحمة الله. فقوله قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وهو من باب التعجب لا من باب اليأس. أي نعم. Donc le cheikh il dit: Ibrahim, Allah lui avait pas donné d'enfant. Hein? Et il était devenu très vieux. Et malgré son âge, il n'a jamais perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah. Jusqu'à ce que des anges lui viennent lui annoncer la bonne nouvelle qu'il allait avoir un fils. Alors ils lui ont annoncé qu'il allait avoir Ismaïl. Puis ensuite, Ishaq. Et après, il allait avoir Yaqub. Hein, c'est dans sa progéniture. Alayhi salam. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 28, dans Surat al-Dhariyat, et nous lui avons annoncé la bonne nouvelle d'un enfant savant. Hein, un enfant qui aura du savoir. Ça, c'était Ishaq. Et dans un autre verset, le verset 101 dans Surat al-Saffat, de Biroulamin Halim, Fabasharnahu Biroulamin Halim, ça dit qu'il est doux, qui est imposé, il y a de la douceur et du bien en lui. Et donc, ça c'était Ismaïl. Donc il a eu deux annonces. Hein, il y a des anges qui sont descendus pour lui annoncer à chaque fois qu'il allait avoir un fils. Et lorsqu'il a reçu la nouvelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 45 à 56 dans Surat al-Hijr le dialogue qu'il y a eu entre Ibrahim et les anges à ce moment-là. Et qu'est-ce que les anges ont dit à Ibrahim, puis qu'est-ce que Ibrahim a répondu aux anges à ce moment-là. Et c'est dans Surat al-Hijr. Naam. Donc ça dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce qui signifie. Il dit, m'annoncez-vous donc, hein, parce qu'ils disent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une nouvelle, hein, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché. Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent, nous t'annonçons la vérité. Et ne sois pas de ceux qui désespèrent. Hein? Il dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés? Donc c'est pour dire que yani, Ibrahim alayhi salam n'avait jamais perdu l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on veut mentionner, c'est ça qu'on veut prouver dans ce verset. Et dans cet exemple du fait que malgré son âge avancé, hein, il pensait peut-être que du fait qu'il était devenu très vieux, malgré ça, les gens en général ils disent à mon âge je veux pas avoir d'enfant. Mais Ibrahim alayhi salam, lui non, il n'a jamais perdu l'espoir malgré son âge avancé d'avoir un enfant. Et il vivait dans l'espoir et dans l'espérance, et il n'a jamais perdu l'espoir à la miséricorde d'Allah. Et c'est pour ça que il dit, est-ce que vous m'annoncez cela alors que j'ai été maintenant touché par l'âge, je suis devenu très vieux? Il n'a pas dit ça dans le sens qu'il avait un doute, hein, ou qu'il avait perdu l'espoir, mais dans le sens qu'il était étonné que ça vienne à cet âge-là. Et il dit, وَهَذَا وَسَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَسَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ. On a vu au dernier cours l'exemple avec Yaqub alayhi salam, lorsque ils ont donné l'exemple avec Yaqub alayhi salam quand il avait perdu ses fils, Yusuf et Benyamin. Il n'a jamais perdu l'espoir malgré qu'on lui avait dit qu'il avait été mangé par le loup et malgré qu'on lui avait menti, mais il n'a jamais perdu l'espoir qu'il allait les retrouver. Hein. Et donc, on a vu ça au dernier cours. Donc ici, c'est la même chose. Le cheikh, il dit, c'est ça l'exemple et le chemin des prophètes, alayhi salam. Et c'est la voie aussi des croyants. Il dit, « Annahum mahma ishtadda bihimul karab » فَإِنَّهُمْ لَا يَقْنَطُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Donc peu importe la difficulté des malheurs qu'ils subissent, ils ne perdent jamais l'espoir en la miséricorde d'Allah. فِي حِينٍ أَنَّهُ وَلِلْأَسَفْ هُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ فِي وَقْتِنَا هَذَا يَعِيشُونَ عَلَى خِلَافِ هَذَا السَّبِيلِ. الذي صار عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتراهم يقولون إن الإسلام قد قضي عليه وإن المسلمين لا طاقة لهم بقتال الكفار الذين ملكوا الدنيا فهم يملكون الأسلحة الفتاكة متناسين أن الإسلام له رب ينتصر له وأن الدنيا دول وأن الله مع المتقين وأن العاقبة كذلك للمتقين وأنه مهما أوتي الكفار من قوة فإنهم إلى زوال وأن الإسلام دين الله هو الباقي وأن المسلمين باقون بحول الله وقوته ولهم العاقبة في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit, et ça c'est la voix des prophètes, comme on a dit, ils ne perdent jamais l'espoir. Et malgré que tu vois aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens à notre époque qui vivent contraire, d'une façon qui est contraire à la voix de ces prophètes et de ces croyants, hein, que suivaient le... Ils contredisent l'exemple et la voix des prophètes dans cette question de mettre leur espoir en Allah. Et donc il dit, tu vois que aujourd'hui, yani, subhanallah, tu les entends, tu les vois, ils disent, ah, l'islam, ça y est, l'islam, c'est fini. C'est-à-dire, ils ont réussi à détruire l'islam. Hein. Les ennemis de l'islam ont réussi à finir l'islam et à écraser l'islam. Surtout avec qu'est-ce qui se passe actuellement, avec tous les l'image sale hein, qu'on essaie de donner à l'islam, avec le terrorisme et avec tout ce qui se passe dans les médias, les actes de terrorisme de la part de certains groupes d'égarement. Donc les gens disent, ah, ça y est maintenant, les gens vont jamais vouloir savoir rien de l'islam, et l'islam, ça y est, personne n'a plus confiance aux musulmans, des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit, ils disent que les musulmans, ça y est, ils ont été dépassés par l'Occident, ils ont été dépassés par les kuffars. Les kuffars, ils ont conquis le monde entier, et ils ont des armes destructrices, qui sont puissantes. On ne serait jamais capable d'avoir le dessus. Les musulmans vont jamais être capables d'avoir le dessus sur les kuffars. Et le cheikh, il dit, ils oublient que l'islam, elle a un seigneur, un Rabb, un Dieu qui le défend et qui le supporte. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa religion et il supporte sa religion. Et que la dunya, c'est, hein, comme il dit, do'alou. C'est-à-dire que la dunya, elle n'est pas comme ça, rectiligne. Hein? Comme si l'histoire, là, elle s'en va pas comme ça en ligne droite. C'est ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça... Aujourd'hui, t'es en haut, demain, t'es en bas. C'est comme ça. C'est pas comme toujours en ligne droite, là, comme un chemin plat. Combien de siècles les musulmans sont restés en Espagne ? 800 ans. 800 ans, c'est pas petit. Hein? Même je pense que les Amériques, l'Amérique là maintenant, l'Europe l'a même pas découvert depuis, ça fait moins que 800 ans qu'ils ont découvert l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Ça fait moins que 800 ans. Les musulmans sont restés les musulmans sont restés en Espagne plus longtemps que cette période, hein, avant d'être, hein, battus, avant d'être expulsés. Donc c'est pour dire, l'histoire c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Donc il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Là, le cheikh il dit, parce que Allah est avec les pieux, et Allah est avec, hein, la bonne conclusion est avec les pieux, c'est-à-dire ceux qui auront la bonne fin, la fin joyeuse et victorieuse et bonne, ce sont les croyants, ceux qui ont la piété, qui obéissent à Allah, qui s'écartent des choses interdites. Et il dit, peu importe ce que les kuffars peuvent avoir reçu comme force, hein, bien, ils ne vont pas durer. Ils ne vont pas être capables de durer comme, éternellement comme ça. Il y a eu des peuples dans le passé qui étaient encore plus puissants. Et regardez aujourd'hui, quand on regarde sur la terre, on ne trouve plus de traces de ces puissances-là. Regardez les pyramides d'Égypte. Hein? C'était des pharaons qui avaient des armées qui étaient puissants sur la terre. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu trouves des ruines et du sable. Hein? Plus rien. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Hein? Allah, il nous mentionne ça dans le Coran. Qul siru fil ard fanzuru. Hein? Allez sur la terre et regardez qu'est-ce qui est arrivé, hein, à ceux qui étaient là avant. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Donc, les grandes puissances aujourd'hui, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur arriver. Et c'est pour dire, peu importe, la bonne conclusion était pour les pieux. Et donc, le cheikh, il dit que l'islam, c'est la religion d'Allah et elle va rester. Peu importe, même si aujourd'hui, il lui donne des difficultés aux musulmans, il donne difficultés à l'islam et aux musulmans, et que aujourd'hui tu vois que les musulmans dans les médias et l'islam on essaie de faire peur aux gens à propos de cette religion, puis de faire fuir les gens de cette religion, mais malgré tout ça va changer, tout ça va se retourner contre eux, et c'est toujours l'islam qui aura le dessus. Et c'est toujours l'islam qui va être gagnant et qui sera victorieux. Et les gens vont continuer à se convertir à cette religion et à faire en sorte que cette religion s'agrandisse de plus en plus. Et que les musulmans deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus pieux, inshallah. Et donc, le cheikh, il dit, les musulmans vont rester par la puissance d'Allah et par sa force. Et c'est eux qui auront la bonne conclusion dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumul ashhad. On va donner la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: on va donner la victoire aux croyants. Inna lanansuru rusulana, à nos messagers. Et aux croyants, dans cette vie d'ici-bas, fait dunya, inna la nansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, dans la vie d'ici-bas, wa yawma yaqumul ashhad, et au jour de la résurrection, le jour où se tiendront les témoins. Et après il dit, fala yanbaghi lil muslim an yaqnut min rahmatillah idha ma ra'a hadhihi al ahwal وهذه الفتن العظيمة بل ينبغي أن يعظم رجاءه بالله وأن يثق بوعده سبحانه وتعالى. Le cheikh dit, il ne faut pas que le musulman perde l'espoir en Allah quand il voit la situation actuelle et les problèmes que les musulmans dans lesquels ils sont et les différentes fitan, les grandes fitan dans lesquelles on vit. Au contraire, il faut qu'il augmente et que il augmente d'espérance en Allah et d'espoir en Allah, et que son espoir en Allah s'agrandisse encore plus et qu'il ait encore plus confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça que les jeunes musulmans ils doivent comprendre actuellement, parce qu'il y en a malheureusement des jeunes qui aiment l'islam et ils ont un attachement fort à l'islam et ils aiment l'islam dans leur cœur, et quand ils voient qu'est-ce qui se passe dans les médias et qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment par exemple les musulmans sont dans des situations parfois d'agression, d'oppression, de difficultés, ils subissent toutes sortes de difficultés dans le monde, et puis ils voient ça, puis ils disent: on doit faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et étant donné qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils n'ont pas de science, et ils n'ont pas cherché à apprendre leur religion correctement avec les ulama de l'islam, donc ils cherchent par n'importe quel moyen qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis ils sortent avec des solutions qu'ils ont inventées eux-mêmes, et c'est là que tu les vois tomber dans l'extrémisme, dans le terrorisme et dans des choses de ce genre. Ils pensent qu'en faisant ces actes de vengeance, de violence, ils vont redonner à l'islam sa force et sa puissance et son honneur. Alors qu'au contraire, en agissant ainsi, ils ne font qu'augmenter l'humiliation et la gêne et yani, l'éloignement des gens de l'islam. Donc la solution, c'est pas de faire ça, mais c'est plutôt, comme le cheikh il explique, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, en se rapprochant d'Allah par, premièrement, la connaissance de l'islam, du Coran et de la sunna, du tawhid, et des principes de la aqidah et des règles de la religion, en s'écartant du haram, en faisant ce que Allah nous ordonne, et en respectant nos engagements et nos paroles, et en restant honnête, et puis en mettant notre confiance en Allah. Et la conclusion et la bonne fin appartiendra aux pieux. Le cheikh il dit وهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن دائما فالمسلمون اليوم وإن كانوا في حالة ضعف وعدوهم في حالة قوة ولا يقدرون على قتاله فإنهم ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار ويحصل النصر للإسلام والمسلمين وذلك على الله وما ذلك على الله بعزيز. Ça c'est important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve, il nous met à l'épreuve par la puissance, par la force et par la faiblesse aussi. Quelqu'un, par exemple, qui vivait à l'époque où les musulmans étaient puissants et forts dans l'histoire, eh bien, Allah éprouvait les musulmans dans cette période-là par toutes sortes d'épreuves du fait qu'ils avaient la puissance et la force et qu'ils avaient des avancements sur tous les plans. Il ne faut pas penser que c'est juste une grâce et que c'est juste du bien là-dedans. Il y a aussi un test pour les croyants. Est-ce qu'il va respecter les limites d'Allah? Est-ce qu'il ne va pas tomber dans l'excès? Est-ce qu'il ne va pas tomber dans l'injustice? Est-ce qu'il ne va pas tomber dans la luxure ou bien dans le luxe et de vivre dans la richesse et l'opulence et d'oublier Allah et de s'attacher uniquement à la dunya et de suivre ses passions? Il y a une grosse fitna là-dedans. Et en même temps, maintenant, il nous éprouve, il nous met à l'épreuve par la faiblesse, par le manque, par la pauvreté, par le manque de moyens ou d'autres, des choses de ce genre. Ça aussi, c'est un test d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir comment on va réagir. Regardez par exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même, il a donné la victoire aux musulmans à Badr. Puis est venue la bataille de Uhud, il leur a donné la défaite. C'est pour que les musulmans apprennent comment agir dans la victoire, puis comment agir par la suite dans la défaite. Et il y a des leçons dans la victoire, puis il y a des leçons pour nous aussi dans la défaite. Et peut-être que parfois les leçons qu'on peut tirer dans nos défaites sont plus grandes que les leçons qu'on peut tirer dans nos victoires. Et parfois on ne réalise pas ça. Mais dans le fait d'avoir eu cette défaite à l'époque, dans la bataille de Uhud, eh bien les croyants ont appris beaucoup de choses dans leur foi et dans leur iman. Et tu ne peux pas savoir comment ta foi est et comment tu es par rapport à ta foi, excepté lorsque Allah te met à l'épreuve. Et c'est dans des moments difficiles comme ça que tu vois tes réactions et comment tu agis, comment tu te comportes, qu'on voit est-ce que ta foi, elle était réelle ou non. Parce que sinon, quand tout va bien et quand tout est parfait, eh bien, c'est très facile de dire « je suis croyant ». Mais quand il y a des difficultés, des épreuves, c'est là qu'on voit réellement où est-ce qu'elle est ta foi et est-ce qu'elle est réelle. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans surat Al-Ankabut, أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire « nous croyons » et qu'ils ne vont pas être mis à l'épreuve? Nous avons testé ceux qui étaient là avant eux pour savoir, il y en a lesquels d'entre eux ont été véridiques et lesquels d'entre eux étaient menteurs. Donc c'est pour dire, tout ça c'est des épreuves. Et donc le cheikh il dit, c'est comme ça que le croyant doit toujours être. Et les musulmans aujourd'hui, même s'ils sont dans un état de faiblesse et que leur ennemi est dans un état de force, hein, et qu'ils ne sont pas capables de, de combattre cet ennemi-là, eh bien, ils doivent attendre jusqu'au jour où yani, il y aura un revers des choses, hein, contre les koufars. Et à ce moment-là, la victoire sera à l'islam et aux musulmans. Et ça, c'est pas difficile pour Allah. Regardez le peuple de Moussa alayhi salam. Le peuple de Moussa alayhi salam, ils étaient esclaves en Égypte, sous les pharaons. Esclaves. Ils n'avaient pas de force, ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas de solution pour sortir de cette situation-là. C'est qui est-ce qui les a libérés? C'est Moussa alayhi salam. Hein, parlait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que Moussa alayhi salam avait trouvé des armes, avait trouvé du pouvoir ou de la force pour combattre Pharaon? Non. Hein? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a écrasé Pharaon tout seul. Hein? Donc Allah, s'il veut donner la victoire à un peuple, il peut le donner facilement. Peu importe la puissance de l'ennemi, c'est pas un problème pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder toujours en conscience. Il faut toujours savoir que la puissance tout entière, elle appartient à Allah seul, et qu'il fait qu'est-ce qu'il veut, mais il nous met à l'épreuve. C'est pour tout ça, qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve, pour voir comment on est par rapport à notre iman, par rapport à notre foi. Donc ça, c'est ce qui conclut le chapitre à ce sujet. Maintenant, on passe à un autre chapitre qui est relié aussi à ce sujet-là. Babun ذِكْرُ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ ذِكْرُ سُوءِ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. C'est-à-dire un chapitre qui parle au sujet d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie des grands péchés. Hein? Il y a des gens comme ça, ils pensent mal d'Allah. Hein? Ils pensent mal d'Allah. Il y a même des koufars, ils se fâchent contre Allah. Il y en a des koufars, ils se fâchent contre Allah, ils sont en colère contre Allah pour qu'est-ce que Allah a prédestiné. Et ils s'objectent au pouvoir d'Allah et à sa toute puissance et à sa prédestination. Hein? Il y en a même qui insultent Allah, subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah. Donc, de penser du mal à propos d'Allah, c'est grave. Hein? Et le cheikh, il cite, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne des versets à ce sujet-là. Déjà, en partant, le mu'min, c'est impossible qu'il pense du mal d'Allah s'il est un vrai mu'min. Et c'est impossible qu'il déteste Allah subhanahu wa ta'ala s'il connaît ses noms et ses attributs. Plus tu connais Allah, plus tu l'aimes. Hein? Plus tu l'aimes. Et donc, ici, le cheikh, il cite ces versets comme le verset 154 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وقول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Et ils pensent à propos d'Allah autre que la vérité, la pensée de l'ignorance, al-jahiliya. Dans le verset suivant, le verset 23 dans sourate Fussilat, il dit: وقول الله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. Hein? Ça, c'est le verset 23 dans Surat Fussilat. Et il cite également ensuite donc ce verset-là, le verset 23 dans Surat Fussilat, qui dit: et cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné de sorte que vous êtes devenu du nombre des perdants. Hein? C'est-à-dire que la pensée des koufars qui, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fait parler leurs membres et même leur peau, leurs bras et leurs jambes contre eux comme témoins au jour de la résurrection. Et il dit: mais vous pensiez que Allah ne sait pas beaucoup de ce que vous faites. Et ça, cette mauvaise pensée-là, c'est cette pensée-là qui vous a ruiné. Hein, parce que vous ne connaissiez pas Allah bien, ou bien vous ne le connaissiez pas comme il faut. Donc vous pensiez que Allah ne sait pas ce que vous Qu'est-ce que vous dites? Vous pensez qu'Allah ne sait pas qu'est-ce que vous dites quand vous parlez à voix basse ou quand vous chuchotez ou quand vous faites des secrets? Hein? Allah, il sait tout. Hein? Donc même les complots et les ruses et les complots que les koufars font, même s'ils se font ces complots-là avec ils les écrivent avec des langages ou des écritures cryptées et des messages codés ou des trucs secrets, ultra secrets, je sais pas quoi. Allah, il les connaît, leurs secrets. Hein? Il connaît leurs stratagèmes. Ils ne peuvent pas ruser contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, le cheikh, il dit ensuite, dans l'autre verset, il dit, « Al-dhannina billahi dhanna s-saw, alayhim da'iratu s-saw. » Ça, c'est le verset 6 dans surat al-Fatih. Le verset 6 dans surat al-Fatih. Et qu'est-ce que ça signifie, ce verset? Et enfin, il châtie les hypocrites et les hommes et femmes et les associateurs, c'est-à-dire les mouchriquins et les mouchriquates, c'est-à-dire ceux qui font le shirk, hommes et femmes, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, hein, comme si en voulant dire que eux, parce qu'ils pensent du mal d'Allah, Allah dit que le mal tombe sur eux, et Allah est courroucé contre eux, c'est-à-dire il est en colère contre eux, il les a maudits et il leur a préparé l'enfer, et quelle mauvaise destination, hein? Et il mentionne aussi un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit wa ruya min hadith ibn Omar, il dit c'est rapporté que ibn Omar a dit أكبر الكبائر سوء الظن بالله رواه ابن مردوي. Il dit que le plus grand des grands péchés, c'est de penser du mal d'Allah. C'est rapporté par Ibn Mardawi. Et Ibn Kathir, il l'a mentionné dans son tafsir, il l'a attribué, ou il a dit qu'il est rapporté par Ibn Mardawi. Bon. Ou bien Ibn Mardouya. Bon, qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan a dit là-dessus? Il dit وَمِنَ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ. Donc le cheikh, il dit un des plus grands péchés, c'est de penser du mal à propos d'Allah, Azza wa Jal. Et il dit ça, c'est surtout au moment de la mort. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nul d'entre vous ne meurt excepté qu'il pense du bien d'Allah. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Jabir ibn Abdullah. Il dit Amma fi hal al-haya, فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاء فلا يغلب أحدهما على الآخر بعكس ما عند الموت فإنه يغلب الرجاء لأن وقت العمل قد انتهى فلا عمل فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل. الشيخ il dit que pendant la vie, hein, pendant que tu vis ta vie de tous les jours, tu dois rester équilibré entre la crainte et l'espoir, comme on l'a déjà expliqué. Tu ne vas pas donner plus d'importance à la crainte qu'à l'espoir, ou à l'espoir qu'à la crainte. Tu dois rester dans le juste milieu. Contrairement au moment de la mort. Au moment de la mort, mets plus d'importance sur l'espoir. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'action. Tu ne peux plus commencer à faire des actes d'adoration ou plus de bien au moment de ta mort. Donc concentre-toi sur avoir une bonne pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa qawluhu ta'ala dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Al-khitabu fi hadhihi al-ayati lil-kuffar ay ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من الكفر والشرك فظنكم هذا أرداكم أي أهلككم فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله عز وجل بأنه لا يعلم ما يطلع ولا لا يعلم ولا يطلع ولا يستجيب وهذا اعتداء منهم على حقه سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne le verset 23 dans sourate Fussilat, il dit que ça c'est yani le verset qui dit et cette pensée que vous avez eue à propos de votre Seigneur, eh bien elle vous a ruiné, elle vous a fait périr. Il dit que ce verset là il s'adresse, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux kuffars dedans. Et juste pour remettre dans le contexte, ça commence dans le Coran, c'est dans sourate Fussilat, ça commence au verset 19. Ça commence au verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما كنتم تستترون أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ces versets? Ça signifie, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Alors, quand ils y seront, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. C'est-à-dire, tes yeux, ils vont parler. Hein? Ton ouïe, elle va parler, tes yeux vont parler et ta peau, elle va témoigner contre toi. Hein? C'est-à-dire contre ceux-là, yani. Qu'Allah nous préserve de ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous explique qu'est-ce qui va se passer ce jour-là, au jour de la résurrection. Comment, les détails du comment. Et des choses comme ça, est-ce qu'on peut imaginer ça? On ne peut pas l'imaginer. Mais on prend la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ça? Tel qu'il nous le dit. Et on n'essaie pas de comprendre ou d'imaginer comment est-ce que les membres vont parler, comment la peau va parler et des choses de ce genre. La seule chose qui est importante, c'est de croire qu'ils vont parler et ils vont témoigner contre nous. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et ils diront à leur peau, c'est-à-dire la personne, elle s'adresse à sa propre peau qui témoigne contre lui, et elle dit, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Hein? Pourquoi avez-vous témoigné contre moi? Alors que tu fais partie de moi, hein? C'est une partie de toi-même. Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, et c'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous retournez. Hein? Et c'est vers lui que vous retournez. Et vous ne pouviez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Hein? Quand tu fais des péchés, quand tu désobéis à Allah, est-ce que tu es capable de te cacher de toi-même? Tu peux te cacher des hommes, tu peux te cacher des autres personnes. Mais tu ne peux pas te cacher de toi-même, et encore moins d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne qui va dire, non, je n'ai pas fait ce péché-là, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Ce jour-là, ta peau même va témoigner contre toi, tes yeux, ton ouïe, Hein, tes membres vont témoigner, tu ne peux pas te cacher. Hein, tu ne peux pas nier. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour, et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront point excusés. Hein? Donc ça c'est l'exemple de mauvaise pensée, de penser du mal à propos d'Allah, ou de penser que Allah il sait pas qu'est-ce qu'on pense, ou qu'est-ce qu'on dit, ou qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça qui les a fait périr, hein? Et ils sont devenus parmi les perdants à cause de leur mauvaise pensée à propos d'Allah et de penser que Allah pouvait pas savoir ou connaître, hein, yani, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Et ça, c'est bien entendu une transgression de leur part contre le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne un autre exemple. Il dit وَقَوْلُهُ تَعَالَى الظَّنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَذَلِكَ عَنْدَمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَزْوِ تَخَلَّفَ الْمُنَافِقُونَ ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ كَمَا قَالَ تَعَالَى بَلْ ظَنَنْتُمْ أن لن ينقلب الرسول إلى والمؤمنون إلى أهلهم أبدا فلما عاد صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتسرين ظافرين جاء المنافقون يعتذرون بقولهم يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ثم قال في آخر الآية بل كان الله بما تعملون خبيرا فهم يقولون إن الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال والأولاد ثم قال في حق هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الذي حبسهم هو سوء الظن بالله بأنه لا ينصر رسوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. Donc le cheikh il dit dans le verset 6 dans sourate Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qui pensent du mal à propos d'Allah, le mal retombera contre eux. Ça c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour une bataille et il y a un nombre parmi les hypocrites qui sont restés derrière, qui ne sont pas partis à la bataille avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pourquoi ils ne sont pas partis, c'est parce qu'ils pensaient que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les croyants, n'allaient pas revenir de cette bataille vivant. Hein? Ils se sont dit, le messager, Allah subhanahu wa ta'ala, dit dans le Coran, à propos des munafiqines, à propos de ces hypocrites, vous pensiez que le messager et les croyants n'allaient plus revenir vers leur famille, n'allaient plus jamais revenir vers leur famille. C'est-à-dire, ils ont dit, eux, les munafiqines, les hypocrites, ils se disaient, ça y est, c'est fini, eux, ils s'en vont à la mort, là. Ils vont plus jamais revenir. Le messager et les croyants vont plus jamais revenir. C'est ça qu'ils pensaient. Hein? Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu victorieux, hein, eh bien là, les hypocrites sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, commençaient à s'excuser. On a été occupé par nos familles, par nos biens. On n'a pas pu venir avec toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Puis dans un autre verset, hein, il dit, ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais Allah est très bien informé de ce que vous faites. Vous pouvez mentir aux messagers, sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez mentir aux croyants, et vous ne pouvez pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il disait, ce qui nous a préoccupés et empêchés, hein, de partir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos biens et nos enfants. Puis ils ont dit à propos, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de ceux qui sont restés derrière et qui cherchaient des excuses auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, il leur a dit que ceux qui les avaient retenus pour de vrai, c'était pas leurs biens et leurs enfants, mais plutôt c'était leur mauvaise pensée d'Allah, en disant qu'ils pensaient que le prophète Sansin n'allait pas avoir la victoire et qu'il n'allait plus jamais revenir. Il dit, le cheikh, بل ظننتم, il explique le verset, بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا, أي وددتم هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه واعتقدتم أنهم لن يعودوا سالمين وتمنيتم أن يستأصلهم عدوهم فهم بظنهم هذا ظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا فبين سبحانه وتعالى أن الذي أقعدهم عن الجهاد إنما هو سوء الظن بالله وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم وأنهم بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. Donc le cheikh il dit, et vous pensiez, il explique le verset 12 dans Surat al-Fath qui dit, et vous pensiez que le messager n'allait pas revenir, ainsi que les croyants, vers leur famille. C'est-à-dire, le cheikh explique, il dit, c'est-à-dire, vous avez souhaité, vous auriez souhaité et vous auriez aimé que le messager et ses compagnons périssent. Et vous pensiez qu'ils n'allaient pas revenir, sains et saufs. Et vous avez espéré que leurs ennemis, c'est-à-dire les ennemis des croyants, les anéantissent et les exterminent. Donc, cette mauvaise pensée que vous avez eue, c'était la mauvaise pensée que vous avez eue, et vous avez été un peuple bourra, c'est-à-dire vous avez été un peuple qui je vais trouver la traduction exacte de ce terme. Wa kuntum qawman bura. Naam. Kuntum qawman bura. Des gens perdus. Et vous faites des gens perdus. Donc, c'est ça qu'est-ce qui leur est arrivé. Ils ont été déçus. Subhanallah, ils pensaient, ça y est, ils vont partir, ils vont rencontrer l'ennemi, ils vont plus jamais revenir, les musulmans. Et ils disent, c'est ça qui les a retenus de partir pour le djihad à ce moment-là, parce qu'ils pensaient du mal d'Allah. Et ils ont pensé que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ils n'allaient pas être capables de battre cet ennemi-là. Pour eux, l'ennemi était trop fort. Et ils ont cru que ça y est, c'était fini. Et qu'ils étaient peu nombreux, donc ils n'allaient jamais revenir. Et le cheikh dit, فَقَدْ تَبَيَّنَا مِنْ هَذَا أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِاللَّهِ إِنَّمَا هُوَ كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَسَنُ الظَّنِّ بِرَبِّهِ وَأَنَّهُ مَهْمَا بَلَغَتْ سَيِّئَتُهُ وتعظمت ذنوبه لا بد له أن يدرك أن باب التوبة مفتوح وأن الله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن إذا تاب وأحسن الظن به وأن الفرج قريب وفي هذا الحديث التحذير من اليأس من رحمة الله والقنوط من والقنوط من عفوه وفيه الحث على الرجاء وخاصة عند دنو الأجل وعند الشدائد والكربات. Donc le cheikh il dit, et on peut comprendre ici, il devient clair ici, que d'avoir une mauvaise pensée d'Allah, c'est un grand péché parmi les grands péchés, et que le croyant il doit toujours penser du bien de son Seigneur, et que peu importe les péchés qu'il a fait, même si ces péchés sont énormes, qu'il a fait des péchés immenses, il faut qu'il sache que la porte de la repentance, elle est toujours ouverte, et que Allah accepte la repentance de son serviteur lorsqu'il se repent et qu'il pense du bien de lui. Et il doit savoir aussi que la délivrance, elle est proche. La délivrance, elle est proche. Il dit, et dans ce hadith, il y a un avertissement contre également le fait de perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, contre le fait de désespérer de sa grâce, et également une incitation à avoir de l'espoir en Allah, et en particulier au moment où la vie, la fin de notre vie approche, au moment de la mort. Bien entendu, c'est pas dans tous les cas que, c'est-à-dire que il y a des gens qui meurent, ils s'y attendent à l'avance parce qu'ils savent, ils sont malades ou ils ont des situations, hein, la vieillesse ou des choses comme ça, ils savent que le temps est proche, donc ils se préparent. Il y en a qui meurent une mort subite, ils ne s'étaient pas préparés. Soit à cause d'un accident, soit comme ça, subitement, ils n'avaient pas eu le temps de se préparer à la mort. Hein? Donc, il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant avec notre foi, notre religion, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir. Mais par contre, si quelqu'un a une mort qui la sent venir, puis il la voit venir, il a le temps de se préparer, donc de se repentir, d'avoir une bonne pensée d'Allah, de se repentir de ses péchés, d'essayer de se corriger à la fin de sa vie. Ça, c'est une grande miséricorde, hein. Et le cheikh, il dit aussi, c'est ça, que lorsqu'il y a des malheurs qui approchent aussi, tu dois augmenter ton espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il met ensuite dans le chapitre, il a cité d'autres paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, An Jabir radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أخرجاه. يعني donc le cheikh il dit, c'est rapporté selon Jabir qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire 3 jours avant sa mort que nul d'entre vous ne meurt excepté qu'il pense du bien de son Seigneur, qu'il pense du bien d'Allah. Et ça, c'est rapporté par Muslim. C'est rapporté par l'imam Muslim. Et il dit, وزاد ابن أبي الدنيا فإن قوما أرادهم سوء أرداء نعم فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله فقال تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Il dit que Ibn Abi Dunya, un des savants de l'islam, il a rajouté à cette parole parce que il y a des gens qui ont été perdus, hein, qui ont péri à cause de leurs mauvaises pensées à propos d'Allah. Puis il a cité le verset 23 dans Sourate Fussilat, hein, qu'on a lu tout à l'heure. Et il dit, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, ومن الكبائر يعني من الكبائر سوء الظن بالله وهذه الصفة إنما وصف الله بها المنافقين في غير ما آية وذكر أن الشيطان يدخل إلى بعض القلوب المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده وأنه سيعذبه ولا يقبل توبته إلى غير ذلك من الوسواس التي يخزل بها بعض أصحاب القلوب المريضة فيقنط العبد من رحمة الله ويجعله ييأس من روح الله وهذا يعد كبيرا من كبائر الذنوب القلبية. Donc le cheikh il dit que parmi les grands péchés, donc de penser du mal à propos d'Allah, et cette caractéristique, c'est yani ce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour décrire les hypocrites dans plusieurs versets dans le Coran. Et également il mentionne que le shaitan il entre parmi il entre chez certains des, dans le cœur de certaines personnes qui ont le cœur malade. Hein, il entre chez ceux qui ont un cœur malade. Hein, que Allah ne veut pas du bien à son serviteur. C'est-à-dire, le shaitan, il vient à certaines personnes qui ont un cœur malade, hein, malade spirituellement, et il leur dit, Allah, il ne veut pas du bien pour toi. Allah, il ne veut pas du bien pour toi. Ou bien Allah, il va te châtier. Ou Allah ne va pas accepter ta repentance. Ou d'autres parmi les fausses suggestions que le shaitan lui souffle. Et la personne, donc, à cause de ça, si elle a le cœur malade, elle va penser que Allah, yani, réellement, ne va pas lui faire miséricorde, ou bien des choses de ce genre. Donc, elle va commencer à désespérer en Allah. Et ça, c'est parmi les grands péchés du cœur. C'est parmi les grands péchés du cœur. Donc, il faut pas écouter le shaitan. Il faut pas écouter le shaitan. J'ai connu comme ça quelques frères, yani, subhanallah, ils pensent toujours du mal d'Allah, comme ça. Mais peut-être ils le réalisent même pas. Ils disent, ah, j'ai pas de travail, ou j'ai un travail mais j'ai pas d'argent, ou ah, j'ai pas de femme, ah, peut-être qu'Allah il m'aime pas. Hein? Peut-être que Allah ne m'aime pas, je fais trop de péchés, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ils se plaignent toujours des problèmes de la vie. Ah, moi j'ai ça, pourquoi Allah il m'a maudit. Oh, Allah il m'a fait ci. Allah, tu vois, ils pensent toujours du mal. Allah il m'a châtié. Allah il m'a puni. Allah il m'a. Hein? Et ça, c'est pas bon de penser comme ça. Il faut toujours penser du bien. Et être optimiste et penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le Cheikh, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ بِهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ. Cette caractéristique de ne pas avoir l'espoir en la miséricorde d'Allah, ça fait partie des descriptions que Allah a données aux hypocrites et aux mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Verset 154 dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il pense à propos d'Allah autre que la vérité, la pensée de l'ignorance. Comme حصل في وقعة أحد ففيها اشتد الكرب على المسلمين حيث استشهد منهم عدد كبير وظن المنافقون أن هذه هي نهاية المسلمين وأن الله لن ينصر رسوله وأصحابه وأن الإسلام سينتهي فهذا ظنهم بالله وهو ظن الجاهلية يقول تعالى في سورة الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقال سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فقد ظن المنافقون والمنافقات أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يعودوا إلى أهليهم بعدما خرجوا للحرب فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال ولما نصر الله رسوله وأصحابه يعني وعادوا بالنصر والظفر جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم وأهلهم وقالوا كما ذكر سبحانه وتعالى على لسانهم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهذا ظن المنافقين. Donc le cheikh il dit, comme c'est arrivé dans la bataille de Uhud, lorsque les musulmans ont eu une défaite, c'est-à-dire qu'il y a eu dans la bataille beaucoup de malheurs pour les musulmans, et que même un grand nombre d'entre les musulmans ont été martyrs, ils sont morts martyrs dans cette bataille. Donc il y a eu beaucoup de morts chez les musulmans, et les hypocrites à ce moment-là, ils ont cru que c'était la fin des musulmans, que c'était fini. hein, et que Allah allait pas donner la victoire à son messager et à ses compagnons, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, ils ont pensé que l'islam allait finir, et ça c'est parce qu'ils pensaient du mal à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la pensée de l'ignorance, la pensée de la jahiliya, hein. Et donc c'est ça, souvent les gens ils pensent négativement, même quand les musulmans ils essaient de faire un projet pour l'islam ou quelque chose pour la religion d'Allah, il y en a toujours qui sont pessimistes. Ils pensent du mal, ah ça va pas marcher, ah ils vont pas réussir, ah ils vont pas pouvoir tenir cette chose, ah ils vont pas avoir le succès, hein, ils vont auzubillah. Donc ça c'est de mauvaises pensées à propos d'Allah. Non, c'est très important. Et c'est des choses que des fois on réalise même pas. On est en train de désespérer, puis on réalise même pas qu'on désespère. Et là, donc le cheikh il explique que dans Surat al-Fatih, par exemple, le verset 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les mushrikines, hommes et femmes, qui pensent du mal à propos d'Allah, que le mal retombe sur eux. Et Allah est en colère contre eux et les a maudits, et il a préparé pour eux l'enfer. Hein? Et quelle mauvaise destination. Le verset 6 dans Surat al-Fatih. Et ensuite, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit également, mais votre pensée, hein, vous avez pensé que le messager, ainsi que les croyants, n'allaient jamais revenir vers leur famille. Et cela a été enjolivé dans vos cœurs. Et vous pensiez, vous avez pensé du mal, hein? Vous avez pensé la mauvaise pensée, et vous étiez un peuple, il y en a perdant, ou bien perdu plutôt. Et donc, le cheikh il dit que les hypocrites, hommes et femmes, ont pensé que le messager et ses compagnons, le messager sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, n'allaient pas revenir vers leur famille après qu'ils sont partis à la guerre. Et que, yani, ça y est, c'était fini. Donc, ils ne sont pas allés avec les musulmans au combat. Ils sont restés derrière. Et parce qu'ils pensaient que c'était, hein, ils s'en allaient à la mort. Et Allah a donné la victoire au messager et à ses compagnons. Et ils sont revenus victorieux de cette guerre. Alors, ils sont venus au messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'excuser. Et ils ont dit, oh, on était préoccupés par nos biens, nos enfants et nos familles. Et yani, Allah il mentionne justement par leur langue ce qu'ils ont dit ce jour-là dans le verset 11 dans Surat al-Fatih. On a été distraits ou occupés par nos familles, nos biens et nos enfants ou nos familles. Et ils disent donc, demandent pardon à Allah pour nous. Ils disent par leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Ça c'est l'exemple de la pensée des hypocrites. Il dit وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّهِ مَهْمَا بَلَغَتِ الشِّدَّةُ فَهُوَ لَا يَيْأَسُ أَبَدًا لِعِلْمِهِ بِأَنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَنَّ هَذَا امْتِحَانٌ مِنَ اللَّهِ لَهُ فَهَذَا هُوَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ بِهِ الْكَرَبُ وَعَظُمَ رَجَاؤُهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهكذا المؤمن دائما فهو يزداد ثقة بالله كلما اشتد به الكرب وضايقته الحوادث وتسلط أعداؤه عليه فإنه لا ييأس أبدا. نعم. Donc le cheikh il dit, hein, que le croyant lui il pense toujours du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et peu importe la difficulté des situations, hein, et la sévérité des difficultés qui se présentent, il ne perd jamais l'espoir en Allah parce qu'il sait que la grâce d'Allah et sa miséricorde est vaste. Et que c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que le croyant est. Peu importe la difficulté qui se passe et qui se produit et les malheurs qui lui arrivent, hein, il augmente en espoir et en espérance par rapport à Allah. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tabarani, selon Abdullah ibn Abbas, qui dit, et sache que la victoire vient avec l'endurance, que la délivrance vient avec le malheur, et que avec la facile, et que la difficulté vient, et que la difficulté vient avec la facilité. Que la difficulté vient avec la facilité, ou bien ramène la facilité. Et il dit que le croyant, donc, il est toujours comme ça. Et il augmente en confiance vis-à-vis d'Allah chaque fois que les malheurs s'endurcissent contre lui et que les événements deviennent de plus en plus serrés et compliqués pour lui et que ses ennemis prennent le dessus sur lui, il ne perd pas l'espoir. Il ne perd jamais l'espoir. Hein? Et ça, c'est important. يعني يجي après وكما ان المؤمن اذا اذنب واخطا فانه يتوب ويحسن الظن بربه بانه يقبل توبته ويغفر له ذنبه يحسن الظن بربه بانه يقبل توبته ويغفر له ذنبه ولهذا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فإنه كلما عظم الذنب كلما عظم الذنب علم المؤمن بأن عفو الله عظيم. Donc le cheikh il dit que le croyant lorsqu'il fait une erreur ou un péché il se repent à Allah et il pense du bien de son Seigneur et que Allah va accepter sa repentance et lui pardonner son péché. Il ne va pas penser le contraire. Il ne va pas dire oh, Allah il ne va jamais me pardonner, Allah il ne va jamais m'effacer ce péché-là, il ne va jamais accepter ma repentance. Non. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 53 dans Surat Az-Zumar, dit à mon serviteur, hein, dit oh, ô mon serviteur, hein, ceux qui ont transgressé, qui ont dépassé les limites contre eux-mêmes, contre leur âme, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés et il est pardonneur et miséricordieux. Donc, il dit, peu importe la gravité du péché que quelqu'un peut commettre, il doit savoir, le croyant doit savoir que le pardon d'Allah est grand. Le pardon d'Allah est grand. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le péché est plus grand que le pardon d'Allah. Non. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le pardon d'Allah. Hein? Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le pardon d'Allah. Donc tout péché que quelqu'un a fait, s'il se repent, Allah va lui pardonner. Le cheikh il dit, فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه. Si le croyant il se repent à Allah, Allah va accepter sa repentance, peu importe son péché, peu importe son péché. بل حتى لو تاب العبد غير المسلم فإن الله يتوب عليه ويدخله الجنة في رحمته. Dit même le kafir, celui qui n'est pas musulman, s'il se repent à Allah de son kufr, de son shirk, et qu'il devient croyant, musulman, Allah va lui pardonner son péché. Et en passant, est-ce qu'il y a un péché plus grave que le kufr ou le shirk? Non. Il n'y a pas de péché plus grave que le shirk ou le kufr. Et ça, c'est des choses que les gens oublient. Surtout par exemple quand tu entends par exemple ceux qui font les attentats terroristes à notre époque parmi les Khawarij, ils parlent de qu'est-ce que les koufars font dans les pays musulmans. Ils disent les koufars ils font des agressions dans les pays musulmans, ils tuent, ils font des choses, ils violent des femmes, ils tuent des enfants, donc ils pensent que ça c'est une justification pour les actes de terroristes qu'ils font dans les pays de Kufr. Bien entendu, ça c'est totalement faux. C'est totalement inacceptable de penser que parce que les Kufars font des agressions, ça nous donne le droit de nous aussi de faire des agressions contre eux de cette manière-là. Pourquoi? Parce que de toute façon, comme les ulama ont expliqué, entre les pays, il y a des ententes de paix. Si toi, tu viens comme ça dans un pays qui n'est même pas en guerre, et tu agresses des innocents, des civils qui ne sont pas combattants, alors qu'eux, ils sont là, ils font leurs activités quotidiennes, puis là, tu les agresses et tu les tues de cette façon, ça, c'est de l'injustice. Mais combien de peuples ont souffert des injustices à travers l'histoire, de la part d'un autre peuple? Plein. Hein? Si chaque peuple là commence à revenir dans le passé pour regarder qu'est-ce qu'ils ont subi comme injustice dans l'histoire de la part de notre peuple, on pourrait en mentionner plein d'exemples comme ça. Hein? Et donc si par exemple, les Amérindiens au Canada ou aux États-Unis, les Africains ou les esclaves d'Haïti ou d'Amérique, qui ont subi beaucoup d'injustices de la part des Européens dans l'esclavage, ou d'autres peuples comme ça. Tu vas dire, ah, mais là, il faut reprendre notre droit. Hein, on a subi des injustices, donc on va se venger. Comme ils nous ont fait, nous, on va leur faire. On ne peut pas faire ça. Hein? Et c'est l'islam qui nous sauve et qui nous préserve de ne pas tomber justement dans ce genre de raisonnement et de mentalité, puisque c'est l'islam qui nous amène à nous apprendre d'être juste, d'être honnête et de ne pas remettre l'injustice pour une injustice. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans plein de versets, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى. C'est-à-dire que votre haine pour un peuple ne vous amène pas à ne pas être juste. Soyez juste, c'est plus proche de la piété. Hein? Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Combattez ceux qui vous combattent. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. Dans le tafsir du verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le tafsir de ce verset, les ulama ils ont mentionné que, c'est-à-dire, vous ne devez pas transgresser dans le sens que vous ne devez pas tuer les femmes, vous ne devez pas tuer les enfants, vous ne devez pas tuer les vieillards, vous ne devez pas tuer les moines, les prêtres, tous ceux qui ne sont pas des combattants, qui ne participent pas au combat, vous n'avez pas le droit de les tuer. Vous n'avez pas le droit de détruire les arbres. Vous n'avez pas le droit de... Il y a plein d'explications comme ça détaillées là, sur ces questions-là. Est-ce que Khawarij aujourd'hui respecte quoi que ce soit de ça? Jamais. Mais pourtant, yani, subhanallah, quand tu vois par exemple, tu leur dis, demande à ces jeunes qui parlent comme ça de façon émotive, qu'est-ce qui est plus grave parmi les péchés ou les égarements ou les choses mauvaises, les injustices que font les koufars? Qu'est-ce qui est plus grave? Est-ce que c'est leur shirk? Le fait de faire le shirk avec Allah et le kufr, ou bien l'injustice qu'ils ont fait à d'autres peuples? Qu'est-ce qui est plus grave entre les deux? Le fait d'associer avec Allah, de faire le shirk, hein, ou bien d'avoir fait de l'injustice à un autre peuple et d'avoir fait des agressions ou des choses de ce genre? Pour Allah, qu'est-ce qui est plus grave? Le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Le shirk qu'ils font est plus grave comme péché que toutes les transgressions qu'ils ont pu faire et les agressions qu'ils ont pu faire à un autre peuple. Pourtant, eux, ils ne se mettent pas en colère pour le shirk et pour leur kufr. Ils se mettent en colère juste pour les agressions et ils prennent ça comme excuse pour eux-mêmes devenir transgresseurs. Hein, contre un autre peuple et de dépasser la limite d'Allah et de faire de l'injustice et de tuer des innocents. Ça aussi c'est une transgression, c'est une agression. Et en plus de se suicider, et ça c'est un autre crime, hein, et un grand péché dans l'islam, de prendre sa propre vie. Et les ulama ont interdit de faire ça. Mais pour eux, yani, étant donné que le tawhid c'est pas très important pour eux, ils comprennent pas la religion comme il faut. Allah musta'an. Ça veut pas dire que les agressions que les kuffars ou les injustices que les kuffars ont fait, ça veut pas dire que ça n'a pas d'importance pour nous. Non, c'est des choses qu'on condamne, qu'on déteste, mais en même temps, le shirk est plus grave que ça. C'est pour ça que les prophètes, quand ils ont appelé les peuples à Allah, ils ont concentré leur da'wah sur le tawhid en premier, hein, pas sur les questions d'injustice et des trucs de ce genre. Non, mais il y a des kuffars aussi qui ont cette même mentalité-là. Hein? Plein de kuffars qui pensent de cette façon-là, la même manière que les khawarij, hein? Et même que plusieurs d'entre les khawarij ils prennent leurs idéologies de ces kuffars, parmi les socialistes et les communistes et les matérialistes et tous ces gens qui ont des idéologies humanistes comme ça. Des fois ils disent, ah, les gens qui ont fait subir à notre peuple dans l'histoire des injustices, c'est normal, ils ont le droit de se venger, c'est justifié, et ils essaient de justifier ça. A'udhu billah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rahma. Hein? Ils n'ont pas de rahma, ces gens-là. Et l'islam, hein, il appelle à la miséricorde, hein, et au pardon. Et donc ça, c'est des choses que l'islam enseigne, que les kuffars ne connaissent pas ou bien négligent. Hein? Et le cheikh, il dit, « وَكَمَا أَنَّ الْمُؤْمِنِ إِذَا أَذْنَبَ » On a mentionné ça. Il dit, « S'il se repent, le croyant, Allah va accepter sa repentance. » Hein? Il dit donc que le croyant, il ne doit pas perdre l'espoir que la délivrance va venir au moment de la difficulté. Il dit, « فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَيْأَسَ مِنْ مَجِيءِ الْفَرَجِ أو ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب وهكذا إذا حضره الموت فإنه ينبغي له أن يحسن الظن بربه ولا يقنط من رحمته أو يغلب عليه الخوف من النار عند الموت فهكذا هو حال المؤمن دائما وأبدا سواء عند الموت أو عند وقوع الكرب والشدائد أو في حال مفارقته أو في حال مفارقة بعد الذنوب فعليه أن يجعل أمله بالله قويا. Donc le cheikh il dit que tu dois pas perdre ta désespérer plutôt de du fait que la délivrance va venir lorsqu'il y a un malheur, ou de désespérer que tu vas obtenir le pardon d'Allah au moment où tu te repens d'un péché, et ainsi que lorsque la mort arrive, tu dois toujours penser du bien de ton Seigneur et ne pas perdre l'espoir en sa miséricorde. Ou bien il dit que tu dois mettre plus d'importance de mettre plus d'emphase ou d'importance sur la crainte de l'enfer au moment de la mort. Non, tu dois pas faire ça. C'est l'espoir qu'on met, hein, en avant au moment de la mort et non pas la crainte. Il dit, وَهَكَذَا هُوَ حَالُ الْمُؤْمِنِ. Le croyant, il est toujours comme ça. Hein? Peu importe que ce soit au moment de la mort ou lorsqu'il y a des difficultés ou bien lorsqu'il se repent de certains péchés, hein, il met son espoir en Allah. Et son espoir en Allah doit être fort. أما الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين لأنهم يسيئون الظن بربهم ولهذا يوبخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخولهم جهنم ويقول لهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فلقد ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم من كفر وشر فتمادوا في الكفر والطغيان لأنهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى غير مطلع على أعمالهم وأنها تنسى وتذهب أما المؤمن فإنه لا يظن بهذا لا يظن هذا الظن فهو يعلم أن الله يعلم كل شيء ويعلم أن الله يسمع ويبصر ولذلك فهو يراقب الله عز وجل لأنه لا يخفى على الله شيء ولذلك فهو يبتعد عن المعاصي والذنوب ويكثر من الطاعات فهذا نتيجة مراقبة الله سبحانه وتعالى بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله يعني مهملهم وأن أعمالهم لا تحصى عليهم ولكن الله تعالى رد عليهم بقوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Donc le cheikh il dit tandis que les mécréants et les hypocrites contrairement aux croyants ils pensent du mal de leur Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala les blâme dans le Coran au jour de la résurrection au moment où ils rentrent dans l'enfer et il leur dit mais vous avez pensé que Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faites et cette pensée que vous avez eue à propos de votre Seigneur vous a ruiné et donc vous êtes devenus parmi les perdants. Et c'est pour ça que Cheikh dit, et donc ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas leurs actions, leurs coffres, leur mal, et tout ce qu'ils faisaient comme égarement. Et donc ils se sont enfoncés encore plus dans la mécréance et dans la transgression. Parce qu'ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala ne surveillait pas leurs actions, et qu'elles allaient comme être oubliées, ou qu'elles allaient partir. Tandis que le croyant, non. Il pense pas pour Allah cette pensée-là. Malgré que des fois, c'est-à-dire que chaque mu'min, chaque musulman croyant, il sait que Allah, il voit, il entend tout. Mais parfois, on agit comme si Allah, il voyait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comme s'il n'entendait pas. Mais c'est ça le danger. Donc, il faut mettre notre foi toujours dans la balance. Par rapport à la foi en Allah et la foi en le fait qu'il voit et qu'il nous entend et qu'il sait ce qu'on fait. Voir, est-ce qu'on agit comme si on a cru vraiment en ça ou bien on agit comme si on oublie ou qu'on est insouciant de ça. Et le cheikh il dit, le croyant il sait que Allah entend tout et voit tout et il sait tout et qu'il nous surveille. Et donc tu crains Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là. Il n'y a rien qui échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu t'éloignes des péchés et tu fais plus de bonnes œuvres et des obéissances et ça c'est le résultat du fait que tu sais que Allah te surveille contrairement aux non-croyants qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent de ce qu'ils font et que leurs œuvres ne vont pas être comptées contre eux et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute dans le Coran. Quand il mentionne dans le verset 6, dans Surat al-Mujadala, il dit le jour où Allah va les rassembler tous et va leur informer de ce qu'ils faisaient. Ahsahu Allah wa nasuh. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'avait enregistré, qu'est-ce qu'ils ont fait, alors qu'eux, ils ont oublié. Ahsahu Allah wa nasuh. Au jour de la résurrection, Allah il va te donner ton livre avec tes œuvres écrites dedans. Il y a des choses que tu vas voir dedans, tu vas dire Subhanallah, j'avais complètement oublié que j'avais fait ces choses-là. Mais Allah, lui, il n'oublie rien. Et tout est enregistré. Il dit donc فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِالْمِرْصَادِ وَيُرْسِدُ أَحْوَالَ عِبَادِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٍ وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا لم تصل في مرحلة اليقين كأنك ترى الله عيانا وهذه هي المرتبة الأولى فاعلم أن الله يراك وهذه المرتبة الثانية وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه عز وجل كأن العبد يرى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه وذلك من قوة يقينه فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة فلما كان يراه بالبصيرة فكأنما رآه بالبصر فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه وهذا من الإحسان أيضا لكنه أقل من المرتبة الأولى. Et le cheikh il termine ce chapitre, hein, ce point plutôt, cette parole, en disant que il n'y a rien qui échappe à Allah et Allah est aux aguets. Hein? Il connaît l'état de ses serviteurs. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit crains Allah où que tu sois. Et qu'il a dit que al-ihsan, la bienfaisance ou l'excellence dans l'adoration, c'est que tu l'adores comme si tu le voyais. Hein? Et que si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, lui il te voit. Et donc si tu n'arrives pas à atteindre le degré de certitude dans ta foi au point que tu adores Allah comme si tu le voyais avec tes yeux, hein, et ça c'est le plus haut degré, eh bien dans ce cas-là sache que lui il te voit. Et ça c'est le degré second. Et donc al-ihsan entre le serviteur et son seigneur, c'est que il adore Allah comme s'il le voyait, comme s'il voyait Allah par ses noms, par ses attributs, par ses bienfaits. Et ça, c'est à cause de la force de sa certitude. Donc, il ne le voit pas avec ses yeux dans la vie d'ici-bas, mais il le voit par sa clairvoyance, dans le sens que, yani, il est tellement convaincu d'Allah que c'est comme s'il le voyait avec ses yeux. Mais s'il n'est pas capable d'avoir ce niveau de certitude-là, alors dans ce cas-là, il adore Allah comme si Allah le voit. Hein? Il adore Allah en sachant que Allah le voit. Et ça, c'est un autre degré d'ihsan, même si c'est un degré plus bas que le premier, mais c'est quand même un des degrés de al-ihsan qui est très important. Et il termine le chapitre en disant, ou en citant le dernier hadith que le cheikh a mentionné, ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وزاد أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. Il s'est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Je suis tel que mon serviteur a pensé de moi. Je suis tel que mon serviteur a pensé de moi. Et l'imam Ahmad, il a ajouté, et il a dit, s'il pense du bien de moi, il aura le bien, et s'il pense du mal de moi, il aura le mal. Et il a dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué ça en disant, هذا حديث عظيم حيث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن خيرا أعطاه خيرا وإن ظن شرا أعطاه إياه فالجزاء من جنس العمل فالذي يظن أن الله لا يقبل توبته وأنه معذبه وهو لا محالة من أهل النار فهذا يجازيه على حسب هذا الظن لأنه أساء الظن بربه عز وجل وأما إذا أحسن الظن بربه وأيقن أن الله لا يغفر ذنوبه أو ذنبه فإن الله يكون عند حسن ظنه ظن أن الله لا يغفر ذنبه فإن الله يكون عند حسن ظنه ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه فيفعل ويفعل به ما يتوقعه من خير أو شر والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله والتحذير من اليأس والقنوط والحث على حسن الرجاء. Donc le cheikh il termine ce chapitre là en disant que quand le serviteur pense du bien, de son Seigneur, il aura du bien. S'il pense du mal de lui, il aura du mal. Comme si par exemple il dit, oh, je pense qu'Allah ne va pas accepter ma repentance, je pense qu'Allah il va me châtier puis me mettre dans l'enfer. Eh bien, s'il pense comme ça d'Allah, Allah va le faire avec lui. Hein? Tandis que s'il pense du bien d'Allah, Allah va me faire miséricorde, Allah va me pardonner, et ainsi de suite, eh bien, Allah va le traiter de cette façon-là. Donc, ça c'est dans le but d'inciter le serviteur à penser du bien à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à savoir que Allah va faire avec lui ce qu'il a pensé de son Seigneur. Donc, ça c'est pour avertir contre le désespoir et mettre en garde le serviteur contre le désespoir et d'avoir une espérance élevée en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et inshallah on continuera le prochain cours bi'idhnillah, la suite de ces explications là, c'est le chapitre suivant, c'est باب ذكر إرادة العلو والفساد ذكر إرادة العلو والفساد c'est-à-dire le fait de souhaiter d'être yani de s'élever et de faire le désordre sur la terre. Donc ça c'est le chapitre suivant, on va parler de ça la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, comme j'avais expliqué, samedi et dimanche prochain, je serai à Toronto, donc je serai pas là, c'est la semaine d'après, Inch'Allah, on se retrouvera, bi'ithnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.